Elle dit « Et voici, mesdames, les tantes qui sortent de la messe. Je voudrais bien savoir pourquoi elles sont allées à la messe aujourd'hui samedi. Une faveur à demander au bon Dieu, probablement. Qu'est-ce que ça peut être? Et la messe de 8 heures, s'il vous plaît? Tante Henriette a dû se faire lasser en une fois. Que dis-tu? Mais vous savez bien que d'habitude, on la ficelle en 3 fois. » Gisèle tire sur les cordons. La tante se promène dans son cabinet de toilette et dans sa chambre. Puis, quand c'est assez, Gisèle tire encore. Promenade, on tire. Promenade, on tire. C'est comme ça que la tante obtient sa taille. Oh, mais qui a-t-il? Qui a-t-il? Mesdames les tantes viennent nous voir. Oh, mais voilà une solennité. Tu crois qu'elles viennent? Mais oui. Madame de Berville ne montrait aucune joie. Il y a quelque chose, reprit Anatolie. Ce n'est pas possible que tante Henriette se soit fait lasser en une fois au petit jour et qu'elle vienne ici dès le matin sans un bon motif. Regardez-les, grand-mère. Elle s'arrête. Tante Henriette sermonne tante Pauline. Elle lui remonte le courage. Et des mines et des embarras. Tout ça ne me dit rien de bon. Méfiez-vous, grand-mère, je vous en supplie. Madame de Berville, un peu inquiète, plus amusée, regardait l'arrivée des tantes. Et puis les tantes furent là. De si bonne heure? Nous ne vous dérangeons pas. Anatolie se laissait embrasser et tâchait d'éluder, par une juste manœuvre, le nez que la tante Henriette avait pointu et froid. Mes fils vont bien? Ce fut la tante Pauline qui répondit et qui donna les meilleures nouvelles. Elle avait la santé dans ses attributions et compétences, puis elle se dépêchait de parler, afin de se taire bientôt quand on aborderait la question. Car il y avait à n'en pas douter une question. Et dans la gaucherie des tantes, on la pressentait sans la deviner. Madame de Berville, souriant malgré elle, se divertissait de l'attendre et ne se pressait pas d'interroger, mais profitait de cette aubaine que son esprit narquois et curieux accueillait avec gourmandise. Anatolie restait debout. Elle épiait les deux visages de telle façon qu'il fallut renoncer à tout délai. Comme un peu fascinée, éperdue un instant et se rattrapant vite, la tante Henriette déclara « Nous aurions à causer avec vous 5 minutes. » « Mais je vous écoute, mes chères filles. Anatolie... » Anatolie comprit qu'on ne voulait pas d'elle. « Bien, je m'en vais. » Anatolie se crut offensée. Elle frémit d'impatience. Puis elle ne sut pas si peut-être il ne s'agissait pas d'un mariage. Elle rougit, sa bouche trembla. Elle se dit qu'elle avait à peine 15 ans. Et elle s'en alla, touchant de ses mains puériles sa taille carrée encore, sa poitrine de petite fille. Dans le jardin où elle se réfugia, les minutes lui furent si lentes qu'elle désespéra d'en finir avec le marasme de l'adolescence. Le soleil d'avril l'égaya. Les tantes, cependant, battaient leur plein. « Voici, maman, disait la tante Henriette, et vous nous voyez un peu troublés. Vous n'en serez pas surprise quand vous saurez l'importance de la démarche que nous tentons auprès de vous. » Le préambule dura longtemps. Madame de Berville était sur la défensive et se taisait, de sorte que la tante Henriette menait, dans un silence pareil à un désert, un discours pareil à une caravane. Or, la caravane avançait avec crainte et n'avait pas une marche égale. Tantôt elle se précipitait en course folle, tantôt elle s'attardait, soupçonnait des embûches, et cherchant l'ennemi, s'apprêtait à une escarmouche. Puis elle repartait, en désordre, penaude. La facilité même de la route l'étonnait, la déconcertait. Et elle se croyait gênée surtout de ses bagages. Elle eut tout jeté pour arriver plus vite, mais elle n'osait pas, elle avait peur des alentours. La tante Henriette ne possédait pas l'art d'un bel exposé. Elle était meilleure dans la polémique. Mais l'adversaire, précisément, se refusait. Elle vint pourtant à bout de rendre sa pensée. Elle aurait pu la résumer ainsi. « Auriez-vous la grande obligeance de déménager? Nous nous installons ici, René et moi. » Madame de Berville, bien avant que sa belle-fille eût tout dit, comprit l'intention, le plan, l'intrigue. Et d'abord, elle avait résolu de se taire, par simple taquinerie et pour assister à l'embarras d'Henriette. Puis elle se tut parce qu'un terrible émoi l'étreignait. Elle regarda ses murs, la mosaïque de bois de son plancher, sa cheminée de marbre blanc, jaunie par le feu continu des hivers. Ensuite, elle baissa les yeux, comme fait un enfant pris en faute, car elle gardait, malgré l'âge de sa dignité lourde, les gestes et les manières menues et drôles de la prime jeunesse, parfois et dans les moments même du chagrin. Elle ramassa tout son effort afin de dissimuler une mélancolie soudaine, un désespoir qui l'avait prise et qui la laissait à la merci de l'autre. Ce fut la seule habileté de la tante Henriette. Elle saisit l'occasion de cette faiblesse et vite plaça la phrase décisive. « René demande que vous lui cédiez votre maison. » Mais alors Madame de Berville se dominait visiblement. Et sans mot dire, elle imposait à sa belle-fille assez pour que celle-ci, épouvantée de la phrase, la regretta. Et faute de la pouvoir ôter, l'enveloppa, l'emmitoufla de politesse et de superfluité verbeuse. Bien entendu, à condition que ça ne vous contrarie pas du tout. René tient d'abord à ne vous peiner aucunement. Vous savez ce que sont vos fils, et si vous deviez avoir le moindre ennui... » Madame de Berville ne répondait pas, et la tante Henriette épuisait ainsi vainement ses munitions. Alors elle appelait sa belle-sœur à la rescousse. Petit renfort, la tante Pauline considérait son alliance et la faisait tourner autour de l'annulaire, qui, ayant grossi depuis les jours des noces, tenait bien le symbole de la captivité conjugale. Sollicitée d'agir, elle se contentait d'opiner, et son assentiment tombait, par malchance, tout de travers. « Je comprends votre hésitation, » disait Henriette, et Pauline approuvait de ses trois mentons. « Mais... » Et Henriette répliquait victorieusement à l'invite. Désormais, Pauline ne donnait plus signe de vie. Elle avait l'air de ne vouloir seconder l'assaillant que dans la retraite. Henriette, en dépit de toute lassitude, se prodiguait et répandait à profusion les arguments. « Au fond, disait-elle, vous n'êtes pas bien ici. C'est trop grand pour un atelier, vous. Trop grand, trop froid. » René s'en plaignait à votre intention, bien avant de songer à prendre la maison. Il y a des réparations à faire, de grosses réparations. Ce n'est pas vous qui les ferez, évidemment. Alors, vous êtes mal installé. Cet argument ne valait rien. Et pour René, vous concevez la commodité qu'il trouverait à surveiller de près les ateliers. Il serait là, toujours là, l'œil du maître à notre époque d'anarchie. Elle développait son idée inutilement avec chaleur. À l'époque de leur mariage, les fils de Romain de Berville s'étaient installés chacun à sa guise. Antoine assez bien dans une maison du Faubourg Neuf, où il ne désirait que de rester. Les René, plus chiches, dans un appartement où ils étaient les enfants venus, fort à l'étroit. Et les René guignaient la maison du Parvis. Ils la guignèrent 20 ans et perdirent patience. « Nous vous avons trouvé, ajoutait Henriette, la plus jolie habitation. Vous pensez bien qu'autrement René n'accepterait pas votre maison. Jamais de la vie. » D'un mouvement vif de sa main, Madame de Berville signifia que non, que là-dessus elle ne voulait rien entendre, et elle continua de se taire. Une quinte de toux opportune, à laquelle Pauline mit plus de soin que de naturel, ne meubla guère le silence, où Henriette semblait éperdue. Il y a de ces bruits dans le pire silence auxquels s'appuient les hommes, et elles prennent contenance, comme dans un salon qui l'intimide. Une jeune fille pose ses bras sur un guéridon, et ainsi n'est plus gauche. Mais la toux de Pauline, ce ne fut rien. Et Henriette n'avait plus rien à dire, à faire, à essayer, plus rien, absolument plus rien. Elle sentait vide sa tête. Ayant tout dépensé, elle éprouvait cette espèce d'alarme ridicule d'un soldat qui aurait, au premier engagement, jeté tout son feu et qui, à l'instant de la vraie bataille et de l'attaque, tâterait sur son ventre ses cartouchières plates. Il n'y a plus qu'à se sauver ou à demander merci. Henriette gémit. « Enfin, maman, dites un mot. Vous me laissez dans un silence. » Elle eut pleuré. Madame de Berville répondit. « Eh bien, ma bonne Henriette, que voulez-vous que je vous dise? Oui ou non, votre décision. Mais ça ne dépend pas de moi. » Henriette crut que l'univers se détraquait, ou si Madame de Berville plaisantait, n'était-ce point absurdité subite? « De qui ça dépend-il? Mais vous ne l'ignorez pas, d'Anatolie. »« D'Anatolie. » Henriette se récria, et tel fut son accent de sincérité surprise que Pauline, quiète jusque-là, en subit la véhémence. Henriette seule s'était récriée. Mais Pauline aussi eut l'expression du sentiment que ce cri indiquait. Madame de Berville les regarda l'une et l'autre, tendue vers elle comme vers un sphinx. Elle réprima une furtive envie de rire et dit « Je vous étonne ?» Elle les étonnait. « Voyons, écoutez-moi. Quand votre beau-père est mort, les partages ont été faits avec une exactitude rigoureuse. La maison m'appartient. À ma mort, de nouveaux partages seront faits, avec la même exactitude. Seulement, j'ai le droit de laisser à ma petite-fille cette maison, qui n'a point une grande valeur, et dont le prix n'excède pas, tant s'en faut, les libertés que la loi m'accorde. En agissant ainsi, j'accomplis les intentions très nettes de votre beau-père. » De sorte que cette maison, je ne veux pas en disposer sans le consentement d'Anatolie. Mais Anatolie est mineure. Oui, elle a pour tuteur René, précisément. Mais comme René serait, dans cette affaire, jugé parti, je ne me figure pas qu'il veuille. L'indignation d'Henriette ne souffrit pas de délai. Maman, pour qui prenez-vous votre fils? Il indemniserait Anatolie, et vous? Lors de l'inventaire, la maison a été évaluée. 20 000 francs, oui, je le sais. Et je vois que vous êtes vous-même tout à fait au courant, comme l'usine était évaluée 200 000 francs. Chiffre qui pouvait correspondre alors aux bénéfices dont Romain se contentait, et qui ne correspondait pas du tout au parti qu'on en pouvait tirer. Nous le voyons, Dieu merci. Henriette se rebiffa, grâce à l'initiative de René. Sans aucun doute, et soyez sûr que je lui rends justice. Toujours est-il que, de cette pauvre vieille maison, il n'y avait rien à tirer. Aussi parut-il équitable de la compter à très bas prix. Mais si, à présent, René la rachetait 20 000 francs, Madame de Berville hésita un peu. Il ferait une trop bonne affaire. Pauline n'aimait pas du tout son beau-frère. Cependant, elle avait accompagné Henriette dans sa démarche. Elle s'était somme toute associée à sa belle-sœur. L'objection de Madame de Berville la blessa. Elle dit « Mais René ferait bien les choses ». Elle en prenait à son aise, et les générosités hypothétiques de René ne lui coûtaient pas. Henriette l'interrompit. « Ça, je ne sais pas du tout ce que ferait René. » Elle ajouta « Un inventaire est un inventaire. » Madame de Berville triomphait avec chagrin. « Voilà, dit-elle sèchement. Et puis, laissons les chiffres. Il y a autre chose dans la vie. Il y a, mon Dieu, le sentiment. Il est possible qu'Anatolie ait de l'amitié pour cette maison. Vous ne le croyez pas ? Peut-être avez-vous raison. Je n'en sais rien. Nous le saurons dans un instant. » Et Madame de Berville tira, auprès de la cheminée, le cordon de la sonnette. Aussitôt, Henriette se leva. « Mais pas du tout, maman, je vous en prie. Je venais de la part de René vous consulter avec toute la déférence. Je ne venais pas soumettre à une gamine de 15 ans une décision si grave, et de laquelle dépend le sort de l'usine. Oui, oui, le sort de l'usine, la fortune de la famille, et la prospérité de la région. Parfaitement, parfaitement. » Lancée, Henriette ne s'arrêtait pas volontiers. Peu s'en fallut qu'elle ne peignît la France entière soumise aux 20 caprices d'un enfant. Madame de Berville l'apaisa en lui disant, et sur un ton de véridique tristesse, « Je ne suis pas sûr qu'Anatolie tienne à cette maison. » Elle commanda qu'Anatolie fût avertie qu'on l'attendait. L'attente ne dura qu'une minute, mais une impatiente minute où Henriette, agitée, eut besoin de marcher de long en large dans le salon, de se camper devant une glace et de cambrer son buste, et d'examiner un peu la moue, la mine que la nervosité contrainte donnait à son visage. Elle se posta une seconde auprès de Pauline, assise et bien défaite. Ostensiblement, elle interrogeait Pauline sur l'offense et l'invitait à la supporter mal. Mais Pauline eut l'air de ne pas s'en apercevoir. Pauline, au surplus, se désintéressait de la bisbille et calculait que si le plan de René manquait, il n'y aurait pour en souffrir que les René. Au fond, les Antoine ne tenaient pas du tout à voir René marquer une nouvelle fois sa prépondérance. René, demeurant à l'usine, dominait tout plus évidemment. Du dehors, Antoine venait à sa besogne comme un employé de son frère. Pauline n'avait pas refusé son aide parce qu'un tel refus pouvait avoir des conséquences désastreuses. Puis elle comptait bien n'être pas utile. Enfin, l'échec des René arrangeait tout selon ses vœux secrets. Anatolie parut. Et quel éclat fut son entrée! Un jeune garçon la suivait, calme et doux, autant qu'elle était furieuse. Sans nul égard pour les tantes, elle annonça « Voilà maintenant qu'ils ont chassé Paulin.